Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 18h30. Puis j'ai une surprise pour vous, on y va la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Et quand je fais des surprises, je les fais de taille. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas parler portugais. On va dire le début, c'est Christophe et puis il va donner son nom. Bonjour Christophe. Comment ça va mon petit Franck? Bah ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Alors, excuse-moi, je ne parle pas portugais, je ne suis pas portugais malheureusement. Christophe Malheiro, comment on dit? Comment Christophe ça se dit? Voilà, et comme ça au moins, tu pourras pas dire j'ai écorché ton nom. Et j'ai super du mal avec le portugais, désolé hein, pour tous les amis portugais qui les écoutent. En français ça se prononce Malheiro tout ça. Ouais, Malheiro en français, voilà, Christophe Malheiro, hein, comme ça. Comment il va bien Christophe? Bah écoute, ça va très très bien. On dira même très bien. Très bien, très mieux peut-être, parce que le début du confinement, ça a été un peu compliqué un petit peu pour tout le monde, je pense. Pour toi aussi? Oui. Bah, de toute façon, c'est une période compliquée pour tous. Ouais. Mais tant que la santé va, on va relativiser, tout va bien. Ouais, c'est ça, il faut relativiser. Comment s'est passé pour toi personnellement le confinement? Toi, artiste, justement, chez toi? Moi, j'ai un deuxième métier qui fait que j'étais d'astreinte, donc j'ai continué à travailler. On a senti le calme, hein, comme tout le monde, et puis on s'est un peu préoccupé de nos êtres les plus fragiles, ouais, il faut, qui nous sont proches, et puis bon, on a fait attention comme tout le monde. Il faut, Christophe. Alors, comme tu dis, j'ai un deuxième métier. Est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, ou alors c'est compliqué de vivre de son statut d'artiste, chanteur, auteur-compositeur? Ah oui, c'est très compliqué aujourd'hui. Ouais. Moi, personnellement, ça a toujours été plus une passion et. Ça a été toujours un deuxième métier, une passion. Mais c'est vrai que ceux qui en font leur métier aujourd'hui, c'est une période qui va être très très compliquée parce que il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Une reprise peut-être pour toi, toi tu fais des concerts, tu fais des lives. Est-ce que tu envisages une reprise progressivement, prochainement? Moi mes spectacles sont pas... J'en ai eu quelques-uns qui sont annulés. Ouais. Les autres ont tous été repoussés. Donc on va dire que moi je ne suis pas trop en plein. Et puis ça m'a permis aussi de... On va dire qu'on va voir le positif. Ça m'a permis aussi de prendre du temps pour écrire des nouveaux titres, de penser à de nouvelles choses. Des nouveaux titres. On va écouter dans quelques minutes Senorita. C'est un des nouveaux celui-là, Senorita? Celui-là, c'est un des derniers, oui. Voilà, le dernier. Il parle de Senorita, c'est des filles, ça? Non, il parle de filles là-dedans, hein? C'est ça. Ouais. Et pourquoi des filles? T'aimes bien les filles, Christophe? J'adore les filles. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Non. J'adore les filles. Non, mais j'avais envie d'écrire, parce que moi j'écris beaucoup en portugais. Ouais. J'ai une grande facilité à écrire en portugais. Et j'ai eu envie de sortir un petit thème en français, de sortir un petit peu. J'ai commencé à chanter en français, hein, à la base. Ouais. Et j'avais envie un peu de revenir aux sources, de faire un titre un petit peu plus dans l'air du temps. Qu'est-ce que, justement, dans l'air du temps, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Alors, on dit que le reggaeton, c'est le gros carton pour les semaines, les années à venir. C'est vrai que ça commence à prendre forme. Il y a quelques années, le reggaeton, personne connaissait quasiment. Aujourd'hui, tout le monde se met un peu au reggaeton. Tu en penses quoi, toi, Christophe? Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas trop dans ce que l'on fait. Même si, Señorita est un petit peu dans ce style-là aussi, dans le latino. Les gens ont tendance un petit peu à se placer tous vers le même chemin. Je pense qu'il faut garder une directive et essayer de la suivre. Ouais. Tout en essayant de faire deux, trois petites choses sympas à côté. Mais je pense pas. Je pense que le reggaeton est en tête de liste en ce moment, mais je pense que le reste. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Il faut pas non plus qu'on soit des moutons. C'est-à-dire tout le monde joue du reggaeton. Il y a encore de beaux titres. Voilà. Il y a encore de beaux titres et de beaux styles qui ont encore des heures de gloire. Ouais. Qu'est-ce qui marche bien au Portugal, tiens, en ce moment, en son? Qu'est-ce qui marche? C'est quoi la mode? Ouais, ils sont beaucoup dans le pop rock. Ouais, pop rock, ouais, c'est vrai, on m'a dit ça. Ouais. Ils sont beaucoup dans le pop rock, et puis sinon, comme tout le monde, un reggaeton, le latino. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les styles sont un petit peu européens. Tout le monde écoute à peu près la même chose. Moi, je reste toujours dans mon portugais populaire et puis dans mes titres, voilà. Et ben voilà, en tout cas, on espère te revoir sur Radio Arc-en-Ciel prochainement, j'espère. Hein, qu'on avec fasse, un grand hein. plaisir, à bientôt, j'espère. Là, pour l'instant, on peut pas recevoir d'invités parce que c'est les consignes pendant jusqu'à septembre. On a des personnes au téléphone, c'est ce que j'ai fait justement avec toi. Mais on espère te voir dans les studios en septembre, alors. Bah, avec un grand plaisir. Ok. Eh ben, passe-le. Avec un très grand plaisir, je t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. De loin, hein, avec la distance de sécurité. Et un grand bonjour à toute l'équipe d'Arc-en-Ciel. Et ça sera un grand plaisir de vous revoir. Et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent, prenez soin de vous. Et je vous embrasse fort. Est-ce que tu as un mot en portugais? Parce que moi, je parle pas du tout portugais. Pour nos amis portugais qui nous écoutent et qui sont énormes sur Orléans, ça serait quoi en portugais, le mot?